Et c'est l'émission Goodbye Kevin qui débarque en pleine vitesse dans votre visage, dans votre radio. Campus Lille, bonjour Léna, comment vas-tu ? Bonjour, bah plutôt en forme pour cette 246e émission. 246, c'est bientôt. Je vais plus vite que, hein, que la musique. Que la musique. Oh là là, c'est oh là dingue. Là. Une vitesse incroyable. Incroyable. C'est aussi avec une vitesse incroyable que cette playlist que je vous ai concoctée passera. On va commencer avec le tout nouveau groupe, un tout nouveau groupe de Liverpool et qui oscille entre garage et Americana. C'est plutôt pas mal. Tu verras, ça met bien de bonne humeur. Ensuite, on ira du côté des Pays-Bas, pour un petit punk garage do it yourself assez frais. On continue aussi sur cette lancée Garage Punk, mais cette fois-ci du côté de Portland avec un morceau que je n'ai pas eu le temps de vous passer la semaine dernière. Et Berlin, ensuite pour la suite, avec l'espèce de Chicago House mêlant synth-rock et minimal d'un producteur français. Il y a tout qui se mélange, vous voyez, les styles et les nationalités. Oui. Voilà. Et puis pour finir, un petit jazz ambiante et aérien, comme le métro. Made. mais, pardon. C'est vrai, hein? Bah ouais, c'est vrai. Il vole un peu. Il vole un peu. Et qui vient de Suisse. Voilà. Oh là là, soyons pas chocolat. De Suisse? Oui. Oh, mais pas comme le groupe de musique. Oh là là, qui est très bon, du Québec. Exact. De mon côté, on va écouter de l'English Pocket de Great Britain. L'English Pocket? Spoken. Ah, Spoken. Ah, oui, oui, tout était mal dit avec un sale accent. D'accord, English Spoken. Spoken, okay. De Great Britain. Très bien. Après, on va écouter un artiste tunisien. Allez. On va écouter le troisième album d'un groupe normand. Et enfin, on va écouter un pilier de la scène indie new-yorkaise. Eh bien, très bien. C'est un très, très beau programme. Eh bien, on va ouvrir cette émission avec non pas un, mais deux morceaux. Je vais vous parler de The Dream Machine, qui viennent de Liverpool et qui s'inscrivent un peu dans une veine musicale qui mêle rock garage, Americana et skiffle. Alors, skiffle, pour ceux qui ne savent pas, en fait, vous pensez que vous ne savez pas ce que c'est, mais vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Tu sais, c'est ce jazz un peu country blues qui incorpore des instruments bricolés à partir d'accessoires domestiques, tu vois. Oui, oui, tu oui. Vois un petit peu le genre. Voilà. Alors, d'aucuns disent que eux, ils s'inscrivent dans la lignée de The Coral, The Laz ou encore les Utones. Bon, c'est des groupes de Liverpool, quoi. Ouais. Eux, ils sont quatre, ils sont jeunes et leur premier album est sorti fin avril sur les labels Run On Records et Modern Sky UK. L'album s'appelle Thank God It's a Dream Machine et les extraits qu'on écoute s'intitulent The Dream Machine pour le premier, ça c'est le nom du groupe, s'intitule Children My England pour le premier et le deuxième ce sera Always On My Mind, et vous allez voir, ça met de très très bonne humeur. Oh, C'était The Dream Machine avec les morceaux Children, My England et Always On My Mind. Très The Chorale, hein, effectivement, très anglais, très Liverpoolien. Ouais, mais c'était... moi je trouve ça efficace quand même. Ah non, carrément, c'est chouette, hein, c'est bien d'avoir cette petite dose de Britpop de temps en temps. Petite piqûre de rappel de temps en temps, ça fait du bien. Exactement. Bon, on va rester en Angleterre avec Anthony Zmirek, qui est un artiste anglais qui nous fait de l'English Spoken. Il y a peu d'infos sur lui, il y en a même très peu, j'ai un peu galéré. Je peux juste vous dire qu'il y a un EP qui vient juste de sortir après une poignée de singles, il en sort encore des singles. L'EP s'appelle Poem to Dance To et c'est un mélange d'électro, de hip-hop, d'English Spoken. Il y a une grosse patte Kate Tempest dans ce qu'il fait. C'est très ancré dans son époque, je trouve qu'il y a un côté à écouter la nuit parce que ça pourrait être dansant. Et donc j'ai choisi deux morceaux de cette EP qui est sortie chez Underplay et Lab Records. Le premier morceau, il s'appelle The Hitchhiker Guide to the Fallacy. Et le deuxième, c'est Working Classing et il est accompagné par Yemi Bolativa. Et ma foi, c'est assez chouette. C'est mon petit coup de cœur de la semaine. Non, en fait, il y en aura d'autres de coups de cœur. Mais ça me plaît bien. Anthony Zmirek dans l'émission 245 de Goodbye Kevin. Is hope included in this meal deal or? Nah, I didn't think so. The good stuff never is. You know when you forget what you were trying to say, well, it's like that but with everything, over time. And at least sometimes there's dancing. Time's just a construct but I think we'd be pretty fucked without it. Could barely get out of bed as it is. What's on your Christmas wish list? Ah mate, I don't really celebrate if I'm honest, but I'll have a Guinness and a big bag of crisps if you're offering. And if you can get me from point A to point C, well, I don't really know. It's got to be better than this. Head out of the window in a solar eclipse. What's the longest you've ever held a biscuit in a tea without having to make a new one? Oh man, look how big that moon's got. Mine's a kebab and a mango-flavored Rubicon. I've trailed off again, haven't I? It's a fallacy. It's all a fallacy. I'm the hitchhiker. And you're a galaxy. Take me away. Take me away. I'm the hitchhiker. You're a galaxy. And yes, it is an unconventional way to travel. Do you even like this song? Yeah, honestly, you can say if you don't. Everything's ironic now, isn't it? Post-post-punk. No nuance in the news. Top 10 things you might have missed. 100,000 views. Easter eggs revealed in seatbelt clips. It's exhausting. Do you think that counts as one of my five a day? How's that for a non-sequitur? Just stay on the left, mate. Yeah, that's okay. I didn't exactly think this through, never have. But look, how's everything with you? Fine, I guess. Not reading as many books as I used to. Nah, I don't watch it. My attention span vanished after the second, what'd you call it? Don't panic. It'll all be fine in the end. The stars didn't align. The man holding open the door that closed is the same one who cut in front of you in the line. And it's a fallacy. It's all a fallacy. I'm the hitchhiker. You're a galaxy. Take me away. Take me away. I'm the hitchhiker. You're a galaxy. Ceiling. I never could describe that feeling. love below the Artex ceiling. I never could describe that feeling. And pictures on the wall say that I never felt like home. Every day the Simpsons at 6. Each day. Police round at 7, dusting from print. Fresh prints. Food giant after for a lucky bag. Landlord never gave the deposit back. No we never did. Backyards not back gardens. And we never begged our pardon. And backyards not back gardens. And we never begged our pardon. No apologies. Pictures on the wall say that I never felt like home. You know that it's just another working class day. It's just another working class day. Just another work in progress. Never forget when I had less. Never forgot my first address. Sorry again that your dad left. Drove back for the sunset. Memories I won't forget. It's just another work in progress. Never forget when I had less. Never forgot my first address. Sorry again that your dad left. Drove back for the sunset. Memories I won't forget. And it's just another. Yeah, just another. Barely had two Reeboks to rub together. Headed to the shop, at a club together. Play childish games that'd last forever. And we never had the weather put our hoods up. Took the tracks into socks as a good look. Put the handbrake turning the Corsa. Are you ever gonna learn that? Course not. Fresh tea for the shout, then returning it. Freshly ripped CDs while we're swerving it. It's always been about class, we're just working. Yeah. Pictures on the wall say that I never felt like home. Voilà, c'était Anthony Zmirek et on est un son typiquement anglais, hein, c'est des choses qu'on a déjà entendues avec des sons modernes qui coupent un peu l'électro, la pop, le hip-hop, tout est mélangé. Il y a plus de frontières. Ouais, puis il y a cette voix anglaise qui nous plaît, qui nous ramène à plein de moments différents. On enchaîne avec un groupe pas le même style du coup. Le groupe s'appelle Real Farmer et Real Farmer c'est un groupe néerlandais, un mode post-punk garage do it yourself qui est basé à Groningen, qui s'est formé en 2018 et que moi j'ai découvert il y a pas longtemps. Alors si tu veux tout savoir, c'était la bande son d'un post que j'ai vu sur Instagram. J'ai dit t'as c'est bien ça. Et en fait j'ai regardé, je fais ah t'as c'est cool. Voilà. Oh là là. Voilà. Et comme quoi c'est dingue. Hein alors on va s'intéresser à leur premier EP qui était sorti en 2019 par leurs propres soins, d'où le côté un peu do it yourself. Et je dois dire que c'est un petit coup de cœur pour ma part, mais comme toujours, faut faire des choix. Alors je vous passe les deux premiers titres de l'EP, qui est éponyme, s'appelle aussi Real Farmer. Et je vous laisse aller écouter la suite si vous en avez envie. Et en plus de ça, ils ont sorti quelques démos en juin dernier, juin 2022. Donc ça, c'est pour la partie la plus récente. Donc les morceaux qu'on va écouter, le premier s'appelle Nostalgia, ça c'est le gros coup de cœur. C'est le morceau qui m'a un petit peu tapé dans l'œil. Et le prochain, celui d'après, ce sera Driving Fast. Et c'est les Real Farmer. So one song. C'était les Réels Fermiers avec les morceaux Nostalgie et Conduire Vite. Si tu les as traduits, c'est ça ? Exactement. On part sur un genre musical totalement différent avec la Goula, qui est un artiste tunisien. Si. La scène alternative. Très bien. Et il s'est fait connaître à travers son premier album avec un mélange d'influences breakbeat, hip-hop, acid house, techno, mais également des airs traditionnels arabes et d'Afrique du Nord issus de sa collection de vinyles qu'il a samplé. Et il revient avec un deuxième album qui s'appelle Demi Écrémé, sorti chez le très bon label Shuka. Et ma foi, c'est assez cool. Il met en avant la musique natale de son pays, la Tunisie. Et il recoupe ça avec tous les styles que j'ai cités précédemment. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Zinek. Au début, il m'a un peu déstabilisé parce qu'il y avait un peu un côté vocodeur dans la voix. Et puis en écoutant, j'ai fait « Waouh, c'est trop trop bien !» Donc voilà, on va écouter ce morceau, Zinek de Goula. C'était Goulaï, le morceau Zinek, un petit côté acide arabe dans ce morceau. Mais c'est marrant parce que là, du coup, depuis tout à l'heure, on est un peu comme un Rubik's Cube qui n'est pas fait, du coup, en termes de styles musicaux. D'habitude, on arrive quand même à se rebondir. Ouais. Là, j'ai l'impression que pas du tout. Pas du tout, pourquoi ? Parce que mon prochain groupe, ça n'a encore une fois rien à voir avec ce que tu viens de passer. Donc, ça s'appelle Cherry Chicks. Et en gros, voilà, lui dit « I make music and bad decision ». Traduisé par là, je fais de la musique et de mauvais choix. Et c'est un peu son slogan. Donc Cherry Chicks, lui, il s'appelle Kyle Holmes. Il est originaire d'Orlando. Il est basé à Portland. C'est lui que je voulais vous passer la semaine dernière. J'ai pas eu le temps. C'est du punk, du garage et parfois un peu de l'hardcore. Et c'est assez efficace. C'est aussi 3 EP et un album que je vous conseille vivement d'aller écouter. Nous, on va écouter un extrait de son premier EP, dont son premier album, qui n'a pas de titre, qui s'appelle Sans titre, qui était sorti en 2021 chez Total Punk. Et le morceau s'appelle Boxes. Et vous allez voir, c'est assez vénère. Avec le morceau Boxes, comme vous l'aurez compris, vu qu'il me dit tout le temps. Ouais, beaucoup plus énervé, bien punk. Ouais. Et ben on va continuer, mais plus sur du psycho-post-punk avec le troisième album des Normands de You Said Strange qui vient de sortir. Troisième album qui s'appelle Southern Shadows Volume 2, qui fait référence à l'album précédent, toujours chez La Sep Records et Modular. Y a toujours ce côté indie pop et psyché post-punk, ma foi, qui est très très bon. Chouette groupe, qui a joué il y a pas longtemps à la Cave aux Poètes et là qui est en tournée actuellement. On va écouter le morceau Song for a Wasted Land et voilà, You Said Strange. You Say Strange et le morceau Song for a Wasted Land. C'est mieux avec l'accent, Léna. C'est mieux avec l'accent. C'est mieux que Wasted. Wasted. Wasted Land. Voilà. Wasted, Wasang. Nouveau changement de décor avec World Wide Web, qui est le projet du producteur français Manuel Jesus, basé à Berlin. Son premier album, Transmutation. Je ne sais pas si on le dit en français ou si on le dit en anglais. Et il est sorti, donc cet album-là est sorti fin avril sur le label Hunter Planet Dust. Au programme, qu'est-ce que nous avons ? Au programme, nous avons 11 compos qui oscillent entre Chicago House, synth rock et minimal. C'est assez chouette, C'est souvent bien décalé et il y a un petit côté oriental dans les percus qui ne me déplaît pas, bien au contraire. Bah tu vois là, ça aurait bien répondu à goût là. Ah ouais. Mais bon, comme on se concerte pas et qu'on va chercher chacun nos morceaux, c'est ça la beauté de Goodbye Kevin. Hein. C'est ça exactement, l'auberge espagnol. Ah ouais. Chacun ramène un petit peu comme il veut. Ah mais dis donc, ton cake il est dégueu. Je vais juste prendre les nems que t'as achetés, ils sont meilleurs. Alors le morceau qu'on va écouter s'appelle Cursed Fruits et c'est World Wide Web tout de suite. World Wide Web, pardon, WWW, avec le morceau Cursed Fruits. Cool, c'est vrai qu'il y a un petit côté expérimental, un peu, ouais, bref, sympa. Très très chouette, j'aime bien. Écoutez l'album, il est cool. On part, eh ben, dans un style différent. Eh, pour changer. Avec le groupe Oneida, qui depuis plus de 20 ans, bah, fait partie des groupes les plus actifs de la scène indie new-yorkaise. Aujourd'hui, bah, après 14 albums d'expérimentation divers et variés, voilà, ça bidouille, ça bidouille. Ah, ça bidouille bien, ouais. La bande de Kid Millions, qui est le leader de ce projet, Oneida, a fait le choix de se recentrer sur des formats plus courts. Et ce qu'on retrouve avec cette dernière sortie, Success, sortie chez Joyful Noise Recordings. Et donc au programme, sur cet album, on va avoir un mélange de punk, psyché, rock, tout ça à la sauce new-yorkaise. Et on va écouter, pour illustrer mes propos, le morceau « I Wanna Hold Your Electric Hand ». Et vous retrouvez dans cet album des morceaux aussi bien de 2 minutes, 4 minutes, que des plages de 10 minutes. Ça se fait encore plaisir à faire des longs morceaux. Hein ? On change pas les bonnes vieilles habitudes chez Oneida. Mais tout de suite, on écoute « I Wanna Hold Your Electric Hand » Oneida. Your body on me. Oineida et le morceau I Wanna Hold Your Electric Hand. Très bien, très bien. C'est quelqu'un qui a de l'électricité statique dans les doigts, si je c'est comprends ça. Bien. Je vais clore ma sélection pour ma part, puisqu'on n'a pas fini tout à fait cette émission, par un petit jazz bien cool, tout droit sorti des écuries Black Milk Music, petit label qu'on aime beaucoup. Alors le groupe s'appelle Moss, ils viennent de Suisse et ils se sont formés en 2017, ils sont quatre, mais je crois qu'à la base du projet ils étaient deux, genre ils se sont rencontrés à l'école de musique de Lausanne. Leurs compos, elles ont cette particularité de mêler un jazz plutôt aérien, assez dépouillé, teinté d'éléments d'électro et parfois d'indie pop, et ça donne un résultat assez proche de l'ambiance, je trouve. En tout cas, c'est flagrant sur le morceau qu'on va écouter. Donc, ils ont sorti leur deuxième album fin mars. Donc, cet album-là s'appelle Mirage. Et on va écouter le morceau éponyme, bien sûr, qui s'appelle également Mirage. Moss, tout de suite dans Goodbye Kevin. Thank you. C'était le morceau Mirage du groupe suisse Moss. Cool, il y a un petit côté Youssef Kamal dans la batterie, très très chouette. Batterie douce et... C'est le label nancéen, si je ne me trompe pas. Oui, Black Milk Music. Assez chouette, c'est vrai qu'ils ont des belles sorties. Et c'est là aussi, il y a New York City Band, NCY. Oui. Il y a aussi, comment il s'appelle, pas Forever Pavo, mais son autre groupe, La Récréation. Ah bon, voilà, très bon. Label de l'Est de la France. Pour terminer, pour faire écho avec mon morceau d'ouverture qui n'était pas le morceau d'ouverture de l'émission, Anthony Zimirek. Oui. On va écouter un des derniers singles de Kate Tempest qui vient de sortir, qui s'appelle Love Harder. Pour terminer cette émission, on vous laisse avec le festin nu et nous on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à la même heure, à 15h. Pour la sieste et le bonheur. Kate Tempest et Love Harder pour conclure cette émission. Lie on your back and go deep out. Can't get to sleep, I've been sleeping for weeks now. Can't open up, can't stop myself speaking. The heat's on, it's freezing. Keep shouting, meaning might creep out and give us all something to reach out and breathe in. Salty remarks and well seasoned. Vets in the game, these inflections all change for no reason. Correcting my pronouns, it's they, them, or he, him also works. When it burns bright, oh. A lover like me learns to be a fighter when it gets darker. A fighter like me learns to love harder when it burns brighter. A lover like me learns to be a fighter when it gets darker. A fighter like me learns to love harder. The family values these strangers uphold are melting under the heat of my presence. Sat in the hotel buffet, gold shining so bright, these poor folks can't eat their breakfast. Like, what is that? Is that a never could place me, never could break me? If my existence threatens your safety, you need a little sweetness in your bowl, sugar, you're too savory. When it burns brighter, a lover like me learns to be a fighter when it gets darker. A fighter like me learns to love harder when it burns brighter. A lover like me learns to be a fighter when it gets darker. A fighter like me learns to love harder.